FSI French Revised, Unit 2, Tape 5. Grammar 4. The verb avoir. Learning drills. Learning drill 1. Nous avons la monnaie. Nous avons la monnaie. Ils ont. Ils ont la monnaie. Il a. Il a la monnaie. Elles ont. Elles ont la monnaie. Elle a. Elle a la monnaie. On a. On a la monnaie. Vous avez. Vous avez la monnaie. J'ai. J'ai la monnaie. Learning drill 2. Nous avons une jolie chambre au premier étage. Nous avons une jolie chambre au premier étage. J'ai. J'ai une jolie chambre au premier étage. Il a. Il a une jolie chambre au premier étage. Ils ont. Ils ont une jolie chambre au premier étage. Vous avez. Vous avez une jolie chambre au premier étage. Elle a. Elle a une jolie chambre au premier étage. Elles ont. Elles ont une jolie chambre au premier étage. On a. On a une jolie chambre au premier étage. Learning drill 3. A-t-il des chambres communicantes? A-t-il des chambres communicantes? Avez-vous? Avez-vous des chambres communicantes? A-t-elle? A-t-elle des chambres communicantes? Avons-nous? Avons-nous des chambres communicantes? Ont-ils? Ont-ils des chambres communicantes? A-t-on? A-t-on des chambres communicantes? Ont-elles? Ont-elles des chambres communicantes? Learning drill 4. Il n'a pas les fiches. Il n'a pas les fiches. Ils n'ont pas. Ils n'ont pas les fiches. Elle n'a pas. Elle n'a pas les fiches. Elles n'ont pas. Elles n'ont pas les fiches. Nous n'avons pas. Nous n'avons pas les fiches. Je n'ai pas. Je n'ai pas les fiches. On n'a pas. On n'a pas les fiches. Vous n'avez pas. Vous n'avez pas les fiches. Learning drill 5. Je n'ai pas la chambre 6, j'ai la chambre 10. Je n'ai pas la chambre 6, j'ai la chambre 10. Je n'ai pas la chambre 8. Je n'ai pas la chambre 8, j'ai la chambre 10. Je n'ai pas la chambre 12. Je n'ai pas la chambre 12, j'ai la chambre 10. Je n'ai pas la chambre 5. Je n'ai pas la chambre 5, j'ai la chambre 10. Je n'ai pas la chambre 9. Je n'ai pas la chambre 9, j'ai la chambre 10. Je n'ai pas la chambre 4. Je n'ai pas la chambre 4, j'ai la chambre 10. Je n'ai pas la chambre 7. Je n'ai pas la chambre 7, j'ai la chambre 10. Je n'ai pas la chambre 14. Je n'ai pas la chambre 14, j'ai la chambre 10. Learning drill 6. Ils n'ont pas la chambre 12, ils ont la chambre 10. Ils n'ont pas la chambre 12, ils ont la chambre 10. Ils n'ont pas la chambre 6. Ils n'ont pas la chambre 6, ils ont la chambre 10. Ils n'ont pas la chambre 8. Ils n'ont pas la chambre 8, ils ont la chambre 10. Ils n'ont pas la chambre 12. Ils n'ont pas la chambre 12, ils ont la chambre 10. Ils n'ont pas la chambre 5. Ils n'ont pas la chambre 5, ils ont la chambre 10. Ils n'ont pas la chambre 9. Ils n'ont pas la chambre 9, ils ont la chambre 10. Ils n'ont pas la chambre 4. Ils n'ont pas la chambre 4, ils ont la chambre 10. Ils n'ont pas la chambre 7. Ils n'ont pas la chambre 7, ils ont la chambre 10. Ils n'ont pas la chambre 14. Ils n'ont pas la chambre 14, ils ont la chambre 10. Practice drills. Practice drill A1. Ils sont à l'hôtel, ils ont la chambre 12. Ils sont à l'hôtel, ils ont la chambre 12. Elle est à l'hôtel. Elle est à l'hôtel, elle a la chambre 12. Il est à l'hôtel. Il est à l'hôtel, il a la chambre 12. Elles sont à l'hôtel. Elles sont à l'hôtel, elles ont la chambre 12. Janine est à l'hôtel. Janine est à l'hôtel, elle a la chambre 12. Mes parents sont à l'hôtel. Mes parents sont à l'hôtel, ils ont la chambre 12. Mes filles sont à l'hôtel. Mes filles sont à l'hôtel, elles ont la chambre 12. Ils sont à l'hôtel. Ils sont à l'hôtel, ils ont la chambre 12. Elle est à l'hôtel. Elle est à l'hôtel, elle a la chambre 12. Mon frère est à l'hôtel. Mon frère est à l'hôtel, il a la chambre 12. Practice drill A2. Ils n'ont pas la chambre 13, ils ont la chambre 14. Ils n'ont pas la chambre 13, ils ont la chambre 14. Elle n'a pas la chambre 13. Elle n'a pas la chambre 13, elle a la chambre 14. Janine n'a pas la chambre 13. Janine n'a pas la chambre 13, elle a la chambre 14. Vos parents n'ont pas la chambre 13. Vos parents n'ont pas la chambre 13, ils ont la chambre 14. On n'a pas la chambre 13. On n'a pas la chambre 13, on a la chambre 14. Votre frère n'a pas la chambre 13. Votre frère n'a pas la chambre 13, il a la chambre 14. Ma sœur n'a pas la chambre 13. Ma sœur n'a pas la chambre 13, elle a la chambre 14. Vos sœurs n'ont pas la chambre 13. Vos sœurs n'ont pas la chambre 13, elles ont la chambre 14. Il n'a pas la chambre 13. Il n'a pas la chambre 13, il a la chambre 14. Practice drill A3. Il a les bagages, mais il n'a pas les fiches. Il a les bagages, mais il n'a pas les fiches. On a les bagages. On a les bagages, mais on n'a pas les fiches. J'ai les bagages. J'ai les bagages, mais je n'ai pas les fiches. Elles ont les bagages. Elles ont les bagages, mais elles n'ont pas les fiches. Vous avez les bagages. Vous avez les bagages, mais vous n'avez pas les fiches. Elle a les bagages. Elle a les bagages, mais elle n'a pas les fiches. Ils ont les bagages. Ils ont les bagages, mais ils n'ont pas les fiches. On a les bagages. On a les bagages, mais on n'a pas les fiches. Practice drill A4. Je suis à l'hôtel, j'ai la chambre 12. Je suis à l'hôtel, j'ai la chambre 12. Elle est à l'hôtel. Elle est à l'hôtel, elle a la chambre 12. Nous sommes à l'hôtel. Nous sommes à l'hôtel, nous avons la chambre 12. On est à l'hôtel. On est à l'hôtel, on a la chambre 12. Il est à l'hôtel. Il est à l'hôtel, il a la chambre 12. Elles sont à l'hôtel. Elles sont à l'hôtel, elles ont la chambre 12. Vos parents sont à l'hôtel. Vos parents sont à l'hôtel, ils ont la chambre 12. Je suis à l'hôtel. Je suis à l'hôtel, j'ai la chambre 12. Practice drill A5. Tutor. Janine est ici. Student. A-t-elle des nouvelles de Mademoiselle Courtois? Monsieur Lelon est ici. A-t-il des nouvelles de Mademoiselle Courtois? Madame Durand est ici. A-t-elle des nouvelles de Mademoiselle Courtois? Mon frère est ici. A-t-il des nouvelles de Mademoiselle Courtois? Le gérant est ici. A-t-il des nouvelles de Mademoiselle Courtois? Ils sont ici. Ont-ils des nouvelles de Mademoiselle Courtois? Elle est ici. A-t-elle des nouvelles de Mademoiselle Courtois? Elles sont ici. Ont-elles des nouvelles de Mademoiselle Courtois? Il est ici. A-t-il des nouvelles de Mademoiselle Courtois? Practice drill A6. Tutor. Votre sœur a-t-elle des vacances? Student. Oui, elle a des vacances. Avez-vous des vacances? Oui, j'ai des vacances. Avez-vous une chambre? Oui, j'ai une chambre. Votre ami a-t-il les fiches? Oui, il a les fiches. Votre amie a-t-elle des vacances? Oui, elle a des vacances. Avez-vous un frère? Oui, j'ai un frère. Vos amis ont-ils des vacances? Oui, ils ont des vacances. Avez-vous le livre? Oui, j'ai le livre. Vos sœurs ont-elles des livres? Oui, elles ont des livres. Practice drill A7. Tutor. Janine est-elle pressée? Student. Oui, elle est pressée. Avez-vous la monnaie? Oui, j'ai la monnaie. Janine a-t-elle la chambre 12? Oui, elle a la chambre 12. Vos amis ont-ils les fiches? Oui, ils ont les fiches. Le gérant a-t-il la fiche? Oui, il a la fiche. Êtes-vous au café? Oui, je suis au café. Votre famille est-elle à l'hôtel? Oui, elle est à l'hôtel. Avez-vous une chambre? Oui, j'ai une chambre. Les enfants sont-ils ici? Oui, ils sont ici. Les enfants ont-ils des chambres communicantes? Oui, ils ont des chambres communicantes. Janine a-t-elle des vacances? Oui, elle a des vacances. Practice drill A8. Tutor. Les enfants sont-ils pressés? Student. Non, ils ne sont pas pressés. Janine a-t-elle la chambre 14? Non, elle n'a pas la chambre 14. Janine est-elle au café? Non, elle n'est pas au café. Les enfants ont-ils les fiches? Non, ils n'ont pas les fiches. Avez-vous la monnaie? Non, je n'ai pas la monnaie. Vos filles ont-elles les livres? Non, elles n'ont pas les livres. Vos amis sont-ils à Paris? Non, ils ne sont pas à Paris. Votre fils a-t-il le livre? Non, il n'a pas le livre. Votre amie a-t-elle les fiches? Non, elle n'a pas les fiches. Le restaurant est-il bon? Non, il n'est pas bon. Vos amis ont-ils la chambre 10? Non, ils n'ont pas la chambre 10. Situation 1. Écoutez. Monsieur X et Monsieur Y se rencontrent dans la rue. Monsieur X, répondant à Monsieur Y, dit que sa femme arrive aujourd'hui et que ses enfants sont restés à Paris. Il ajoute qu'il a une chambre à l'hôtel de Lyon et qu'il est pressé. Quand votre femme arrive-t-elle ? Elle arrive aujourd'hui. Vos enfants sont-ils avec elle ? Non, ils sont toujours en vacances à Paris. Avez-vous une chambre à l'hôtel ? Oui, j'en ai une à l'hôtel de Lyon. Ah, il est près d'ici. C'est un bon hôtel ? Oui, très bon. Excusez-moi, je suis pressé. Situation 1. Répétez. Quand votre femme arrive-t-elle ? Elle arrive aujourd'hui. Vos enfants sont-ils avec elle ? Non, ils sont toujours en vacances à Paris. Avez-vous une chambre à l'hôtel ? Oui, j'en ai une à l'hôtel de Lyon. Ah, il est près d'ici. C'est un bon hôtel ? Oui, très bon. Excusez-moi, je suis pressé. Situation 1. Participez. Vous êtes Monsieur X. Quand votre femme arrive-t-elle ? Vos enfants sont-ils avec elle ? Avez-vous une chambre à l'hôtel ? Ah, il est près d'ici. C'est un bon hôtel ? Maintenant, vous êtes Monsieur Y. Commencez. Elle arrive aujourd'hui. Non, ils sont toujours en vacances à Paris. Oui, j'en ai une à l'hôtel de Lyon. Oui, très bon. Excusez-moi, je suis pressé. Situation 2. Écoutez. Monsieur Robin va à l'hôtel. Il voudrait une chambre pour son fils. Monsieur Blanc ne sait pas s'ils ont des chambres libres, mais Monsieur Robin le sait. Il a demandé au gérant. Monsieur Robin et Monsieur Blanc vont déjeuner ensemble à 1h30. Où allez-vous ? Je vais à l'hôtel. Pourquoi allez-vous à l'hôtel maintenant ? Je voudrais une chambre pour mon fils. Je ne sais pas s'ils ont des chambres libres. Si, ils en ont. J'ai demandé au gérant. Allons-nous déjeuner ensemble ? Oui, à 1h30, si vous voulez. Très bien. Situation 2. Répétez. Où allez-vous ? Je vais à l'hôtel. Pourquoi allez-vous à l'hôtel maintenant ? Je voudrais une chambre pour mon fils. Je ne sais pas s'ils ont des chambres libres. Si, ils en ont. J'ai demandé au gérant. Allons-nous déjeuner ensemble ? Oui, à 1h30, si vous voulez. Très bien. Situation 2. Participez. Vous êtes Monsieur X. Où allez-vous ? Pourquoi allez-vous à l'hôtel maintenant ? Je ne sais pas s'ils ont des chambres libres. Allons-nous déjeuner ensemble ? Très bien. Maintenant, vous êtes Monsieur Y. Commencez. Je vais à l'hôtel. Je voudrais une chambre pour mon fils. Si, ils en ont. J'ai demandé au gérant. Oui, à 1h30, si vous voulez. This is the end of tape 5, unit 2.